t'inquiète. Rage de la plume. Rage de la plume. Automatic, you know. My style is not your style. Yeah, like a boy, like a boys. Chaos. Tino, Joub. Et oui, moi c'est Tino et c'est plein de similaires. Je rappe, j'ai du flow, je tiens un grand tirailleur. Tirailleur, mon album va faire peur. En plus, ça rend cœur, mon rap te fait peur. Dès que je prends le papier, j'en ai trop le vertige. Dans ce monde du papier, y'a trop de litiges. Je crois qu'à mon rap arrive enfin un sens. J'suis pas dans les pages, mais des MC ensemble. Je te donne du flow parce que j'aime trop ça. Les amis, les frérots, sachez, j'vous aime les gars. J'crois que le rap français vient de trouver son place. C'est les portes renforcées, j'vais passer à la hache. Et depuis le début, j'ai fait que me supporter. J'ferai jamais d'abus, car jamais j't'oublierai. Puis quoi qu'il en soit, j'reste toujours le même. Et puis quoi qu'il advienne, sachez que je vous aime. Tu peux pas venir me tester, moi. Sur un son qui vient du 1-3. Tino et Jube, c'est chaos. Tout pour vous dire, vous êtes chaos. Tu peux pas venir me tester, moi. Sur un son qui vient du 1-3. Tino et Jube, c'est chaos. Tout pour vous dire, vous êtes chaos. Instable, c'est la gawante, je trouve ma joué les autres. Un système où nous caprisés, ou bad news qui méprisé. J'ai de me qui vit m'en pas plairé. La vie n'a qu'à des assassins instables, c'est la gawante, je trouve ma joué les autres. Un système où nous caprisés, ou bad news qui méprisé. J'ai de me qui vit m'en pas plairé. Man, on est la rage, nous vont à l'eau au cage. Burning, ni ici pas où t'es dit que n'y a qui ça. Pas moi, t'as quitté des satanas. Puis soit je t'aille, aïe, aïe, inchallah. Qu'un pété des balles, nous qu'on dit c'est capable à laisser. Et tous les gars, votre magie c'est au roi babac. L'esprit qui tourne, notre existe, ni mon paillasse. Tu peux pas venir me tester, moi. Sur un son qui vient du 1-3. Tino et Jube, c'est chaos. Tout pour vous dire, vous êtes chaos. Tu peux pas venir me tester, moi. Sur un son qui vient du 1-3. Tino et Jube, c'est chaos. Avec la rage du lossi au style, c'est devenu aussi un style d'écriture. J'ai pas joué les macs à dire que mon écriture. Certains sont dans le bédo comme si on vendait de la terrine. Écoute tes rimes, j'atterris à me casser le dos. Prince Nick d'intérim, Tino le dit si bien car la vie est pathétique. C'est pour les rôles, les frères en chien, on lâchera pas même si y'a pas d'éthique. Alors la rage, le flow, on scène. Me voyant cracher des litres dans le boule des sœurs Olsen. On sait, on a l'envie sans la carrière ni les thunes de Beyoncé. On pioncé sur une traque sans quiproquo. C'est pour les miens en jean ou encore les porteurs de petits crocos. Même si des fois la vie sans le dépotoir, je vois le petit broco au tribunal pour juger tes galères au dépôt le soir. Alors les commerciales sur le fil de la viande fumant boule. Je casse le commercial, défile la viande fumant le boule. Tu peux pas venir me tester, moi. Sur un son qui vient du 1-3. Tino et Jube, c'est chaos. Tout pour vous dire, vous êtes chaos. Tu peux pas venir me tester, moi. Sur un son qui vient du 1-3. Tino et Jube, c'est chaos. Tout pour vous dire, vous êtes chaos. Babylon, what the fuck you could see, man. Imagine them tongue, I could joke, I could lie. Make it pay the time. Oi, oi, ça fait une époute. Pour chance, pour y'a béni, pour tolérance. Besoin stopper au mot qui j'avance. Babylon, my style is not too style. So motherfucker. Béni pour chance, pour y'a béni, pour tolérance. Besoin stopper au mot qui j'avance. Babylon, my style is not too style. So motherfucker. Ok. Jube, Chaos, Automatique, Tino, Marseille, Paname, Brah.